Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bonsoir à toi, Tom. La team dit bonsoir aujourd'hui. Ouais, j'ai pas oublié. Il y a des fois où tu oublies. Voilà. Non, on dit que t'oublies. Mais tu sais, loin des yeux, loin du cœur, comme j'y vois rien, t'es toujours loin du cœur. Mon cher Tom. Allez, on passe un grand bonjour à tous nos amis vacanciers. Hein, si vous écoutez l'émission sur les plages, nous sommes encore dans la chaleur du bitume parisien et de la pollution. Yeah. Bon, on va dire qu'on est en vacances, mais on est encore là, en direct. On est en vacances, mais on est en direct. C'est du vrai. Si vous voulez nous appeler d'ailleurs pour vérifier si on est vraiment là, 06 81 01 28 34. On fera que tu enlèves les bruits des mouettes derrière. Celle-là, c'est une mouette anémiée, je pense. Hein. Ou alors elle est belge, je sais pas. Tiens, à propos de belge, on va saluer nos amis de Dracar qui sont en train d'enregistrer. Enfin, non, qui vont sortir leur nouvel album à la rentrée. Donc, on est super contents. Donc, et puis, on va aller les voir bientôt. Et puis, il n'est pas dit que vous ayez une exclu bientôt aussi. Restez à l'écoute la semaine prochaine. Je dis ça, je dis rien. J'aurais dû fermer ma gueule. Voilà. En tout cas, on est le 6 juillet, c'est le premier jour de vacances, première émission des vacances, on va dire. Hein. Ouais, on va dire ça, ouais. Et c'est une émission spéciale REMFEST numéro 19. Le REMFEST aura lieu deuxième semaine, je crois. Non, la première semaine de septembre, ce sera le 8-9 ou 9-10, c'est ça, hein, ça doit être 9-10. C'est le samedi-dimanche de septembre. Voilà. Et la semaine d'après, ce sera le Faire Toi. La semaine d'après sera le Faire Toi et la semaine d'avant ce sera le Fall of Summer. Voilà. Donc si vous voulez vous traverser un peu la France. Oui, comme ça vous pourrez un petit peu aller voir tout. Ce soir, REMFEST, et nous avons commencé avec Samael. Samael qui ne sera pas au REMFEST, mais c'était une petite exclue, une petite nouveauté, puisque l'album ne sortira que le 13 octobre. Et ouais, hein, on vous fait des cadeaux quand même pour vos vacances. Ouais. Hein. Yes. Et le titre qu'on vous a proposé ce soir, mon cher Tom, Angel of Wars. C'est comme ça qu'on dit ? Wars. Ouais, Wars. Et il n'y a pas de F, hein, c'est juste non, un TH. Non, hein. C'est TH. Wars. Et l'album s'appelle Hegemony. Sortira chez Napalm Records. C'est l'11e album du groupe. Qui nous vient de Suisse, hein, c'est des Suisses. C'est la Suisse, hein. Ouais, ils y vont lentement en tout cas. C'est un quatuor à l'époque Black Indus Metal. Et qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre, mon cher Tom ? Ils ont 30 ans. Ouais, cet album va fêter leurs 30 ans d'existence. Voilà. Quoi d'autre ? Bon, rien. On va passer à la suite de la programmation avec ce que l'on entend en fond sonore, puisque le groupe sera en concert et que c'est un super groupe, hein, ça s'appelle Backtrack Lane. Et donc l'album est sorti le 22 mai 2017 chez Do It. C'est pas un album, c'est un EP en plus. Mais c'est très très bien. Franchement, moi j'ai bien accroché à ce EP qui s'appelle Infine. Ça s'écrit Infine, mais ça se dit Infine. Ça veut dire en fin de compte ou pour terminer, si tu veux. C'est donc Infine. Ils seront donc en concert le 8, c'est-à-dire samedi, à Paris, au Bus Palladium, à 20h. La entrée est à 7€ et c'est 8 rue Pierre Fontaine. Alors pour ceux qui ne vont pas le 8 au Bus Palladium, venez à Autun, puisqu'à Autun, vous pourrez retrouver Manigance, ADX, Black Rain, il y aura également No Return et plein d'autres groupes. Hein. Donc Autun, c'est dans le 71. Et venez nous rejoindre. Nous y serons toute l'équipe du Rock for Show. On sera à Autun. On va se taper la route. C'est affiché rouge dans le sens des départs. C'est ça. Donc mais on est motivé. C'est pas grave. Et puis Autun, on emporte le vin, comme dirait notre cher ami Didier Dog, hein, puisqu'il sait ce qu'il a mis sur son Facebook. Voilà. On va enchaîner avec des nouveautés avant d'aller rejoindre la programmation du REMFEST. On enchaîne avec Prong qui sort son nouvel album. Dans très peu de temps, puisque ce sera le 28 juillet. L'album s'appelle Zone Days et le titre que l'on vous propose de découvrir ce soir s'appelle Forced Into Tolerance. Ça sortira chez SPV, Steam Hammer. Et mon cher Tom, c'est le 13e album du groupe. Il contient 14 titres. Vas-y, je te laisse dire la suite si tu veux. C'est un trio. C'est un trio de thrash metal. Ils sont formés en 1986. Ils ont donc 31 ans. Oui, je sais compter. C'est des ricains. Ils viennent de LA, Los Angeles. Après, on va aller rejoindre Marseille. Ça, c'est pour les vacanciers. Ouais. Avec Dagobah. Exact. Qui nous a proposé un nouveau titre de son album qui s'appelle Black Nova. C'est leur 7e album, 10 titres. Et le titre Inner Sun. Voilà, c'est le titre qu'on vous propose de découvrir ce soir. Et eux, ils ont tout juste 20 ans. Exactement. Et ça sortira chez Sony Century Media le 25 août. Donc ouais, encore un peu d'exclus quoi quand même. Hein. Avant les vacances, on vous propose des choses que vous pourrez télécharger après les vacances quand vous n'aurez plus d'argent. C'est ça. Et le groupe s'est formé en 97. Voilà, ils nous font du métal. Nous enchaînons ensuite avec 6h. 6h, quelle heure est-elle? Ben non, il n'est pas 6h, il est 19h44. Donc c'est pas 6h, pourquoi? Ben c'est pas grave, 6h quand même. Qui sort chez Spine Farm Records. C'est sorti en mai, le 12 mai. Donc là, on est un peu en retard sur ce coup-là. Mais comme on vient juste de le recevoir, eh bien, on vous le passe ce soir. C'est tiré de l'album Poison the Parish. Et le titre que je vous propose de découvrir, mon cher Tom... Stuck the Fire. Exactement. C'est le 7e album du groupe aussi. Il contient 12 titres. C'est et des Africains. Non, des Africains. Ouais, des Africains du Sud... voilà, ils nous font du métal alternatif. Et ils se sont formés en 2002, mon cher Tom. Oui, ils seront en concert au Bataclan le 13 octobre. Voilà. Ouais, c'est loin, hein, mais on vous l'annonce puisqu'on passe le groupe. On vous le repassera certainement à cette époque. Bon, on envoie quand, la musique. Quand il on... n'y aura plus de place. Ouais, quand il n'y aura plus de place. On envoie la musique, qu'est-ce que t'en penses? Et puis on se retrouve tout de suite après pour parler un peu plus de la programmation du Rainfest. Moi je pense 06 81 01 28 34. Est-ce qu'il y aura des places à gagner ce soir, hein? Ouais. Attention, j'avais donné le mien, moi. Ouais, c'est pas grave. Allez, musique. Vous êtes à l'écoute du Rock for Show tous les jeudis soirs de 19h30 à 21h30 en France et de 13h30 à 15h30 pour nos amis québécois de Radio Québec.biz. On les salue bien. Caribou. Hugo, je sais pas s'il écoute ce soir. Hugo, t'es là ? Est-ce que t'es là, Hugo ? Hein ? En tout cas, Eric, oui, il est là. Et puis, bon, bah les autres. Il y a un chat encore ce soir ? Je sais plus si. Je sais pas. Regarder, hein. Moi je sais plus, je peux pas tout faire en même temps. Allez, qu'est-ce qu'on en a écouté, mon cher Tom? On a commencé avec quoi? On a écouté tellement de choses, on a écouté Prong, puis Dagobah et Seater. 20h. Tout juste. Et là, nous sommes en train d'écouter Guns N' Roses parce que tout le monde attendait la reformation du groupe. Bon, il paraît que c'est fait. Ce sera donc demain soir au Stade de France et on a les horaires, donc on va tout vous donner. À partir de 18h45 jusqu'à 19h45, c'est Tyler Bryant and the Shakedown. Hein. Et puis de 19h35 à 20h20, Biffy Clyro. Et 20h45, 23h30, Guns N' Roses. Alors, si c'est comme d'habitude pour les Guns N' Roses, je pense que vous n'êtes pas couché avant 4h du matin, puisque. Le temps que Axel aille changer son tutu, puis après son poncho, puis après son chapeau. Enfin bon, je dis ça, je suis mauvaise langue, mais en tout cas c'est ce qui s'était passé la dernière fois que je les avais vus. Ah merci, merci ouais, monsieur. Le truc c'est que si c'est au Stade de France, après pour ceux qui sont là-bas, pour rentrer... Ah ça va être la merde. Il va falloir attendre 5h du matin si vous restez jusqu'à 4h. Ouais, ouais. Bon en tout cas voilà... Guns N' Roses, non mais je pense que les transports ils ont prévu, hein. Quand c'est des gros concerts comme ça au Stade oui, de France. Oui mais ils prévoient pas jusqu'à 5h, non. Non mais c'est 2h du matin au moins. Non, c'est le RER finit à la même heure que d'habitude, ou presque. Donc non, il n'y aura pas plus de trains que d'habitude. Bon bah tant pis pour peu. Vous. En tout cas j'espère que... C'est pour ça que le 23h30, à mon avis, il te reste une demi-heure après pour rejoindre le RER. Non c'est 1h du matin les RER. Allez, UFO, pour commencer à parler du REMFEST, c'est la tête d'affiche cette année. Donc, ça sera la tête d'affiche du samedi, je crois, parce que, du dimanche. Parce que la tête d'affiche du samedi, ça doit être DAD, si mes souvenirs sont bons. Mais on va en parler tout de suite avec Philippe Delory, qui est l'organisateur. Mais avant ça, on va écouter UFO tiré de leur dernier album qui s'appelle A Conspiracy of Stars, et le titre que je vous propose de découvrir est le titre bonus de cet album qui s'appelle King of the Hill, sorti chez SPV en 2015. Ils nous viennent d'Angleterre, bien évidemment, de Londres, hein, et c'est un quintet qui fait du hard rock. On envoie tout de suite la musique et on se rejoint tout de suite après pour vous parler du REMFEST. Musique, mon cher Tom. The world through my lovely haze. Toujours à l'écoute du Rock for Show tous les jeudis soirs de 19h30 à 21h30 depuis 33 ans, c'est comme ça. Enfin, avant on avait une demi-heure de moins, une demi-heure de plus, c'est bien, on a gagné, on est très content. Ce soir, émission spéciale 100% Ramfest. Vous venez d'écouter donc UFO qui sont en tête d'affiche cette année au Ramfest. Et nous avons en ligne notre cher ami Philippe Delory qui est l'organisateur du Ramfest. Bonsoir à toi Philippe. Bonsoir Philippe. Tu vas bien ? Ça va très bien. Lorsqu'un Philippe parle à un autre Philippe, de quoi se parle-t-il ? Bah, d'histoire de Ramfest. Voilà, exactement. 19 ans, dis-moi, c'est la majorité plus 1, ça ? Voilà, la majorité plus 1, et on espère bien arriver aux 20 ans. Hein. C'est, c'était ça, dignement. De toute façon, vous n'avez jamais été aussi près des 20 ans. Voilà. Donc, il n'y a pas de raison, hein, cette année, avec une affiche comme ça, je pense que ça devrait bien, bien cartonner. Avec DAD, avec UFO, avec Tiger of Pantang, il y aura également Vandenplas. Enfin, comme d'habitude, l'affiche est très, très, très variée. On va en parler un petit peu. Et puis, tu vas nous débriefer un petit peu tout ça. Alors, pour commencer, les portes ouvrent à quelle heure ? Alors, les portes ouvrent à midi. Le samedi et le dimanche. Premier concert à 13h. Ouais, et ça commence avec qui ? Alors le samedi, ça commence avec des groupes locaux, des groupes régionaux, le ouais. Dimanche aussi d'ailleurs, parce que cette année on est repassé à 2 jours complets. Oui. Hein, on était depuis 2013 vendredi soir et samedi, et cette année on était parti sur cette formule-là aussi. L'agent de UFO m'a recontacté en janvier pour me dire que le groupe était disponible, mais uniquement le dimanche. Ah. Voilà, donc comme ça fait à peu près 12 ans que j'essaye de les avoir tous les ans et qu'il n'y a jamais moyen de les avoir. Tu t'es dit voilà, on a fait une petite réunion et puis on s'est décidé à décaler le Ramfest d'une journée, donc pour faire le samedi et le dimanche. Mais comme on n'a pas plus d'argent que l'année dernière, on a dû se passer de la petite scène. Ah, donc cette année, il n'y aura qu'une seule scène. Donc il n'y aura qu'une seule scène, il n'y aura que la grande scène. D'accord. C'est que les groupes qui jouaient habituellement sur la scène découverte, eh ben, ils vont jouer en ouverture de la grande scène, mais sur la grande scène, voilà. Bon, bah écoute, c'est pas plus mal. Pour eux, hein ? Ah bah pour eux, oui, forcément, ils vont jouer dans des conditions techniques quand même différentes de celles de la scène découverte, quoi. Hein. Ça sera autre chose. Bon, alors, cette année, comme tu l'as dit, on est repassé à samedi et dimanche. Donc ça, c'est moi, je pense que c'est pas mal parce que ça complète le week-end. Le vendredi, est-ce que tu avais autant de monde que tu en avais le samedi auparavant ? Non, moins que le samedi, mais en fait, ça montait chaque année. Entre 2013 et 2016, on a doublé le nombre de spectateurs le vendredi soir. D'accord, ok. Alors qu'on avait des groupes qui n'étaient pas forcément hyper attractifs le vendredi, hein, mais on avait quasiment, l'an dernier, à peu près 60% de l'affluence du samedi, quoi. Ah, ok. Ouais, c'est ce qui est relativement bien. 60%, donc c'est correct, hein. Très bien. Alors, cette année, qu'est-ce qu'il y a de différent, à part cette scène qui est supprimée ? On va toujours retrouver les stands de mer, je suppose, les stands d'alimentation. Ça se passe toujours dans le château de la princesse d'Arambert. Ça, il n'y a pas de changement. Les stands, il y en aura peut-être même un peu plus, étant donné que l'espace qui était occupé par la deuxième scène sera libéré. Donc, je pense qu'il y aura plus de stands que les autres années. D'accord. En tout cas, on fera tout pour occuper l'espace libéré par la petite scène. Et puis sinon, c'est le déroulement habituel. Hein. Donc, comme on disait tout à l'heure, l'ouverture des portes à midi, premier groupe à 13h. Donc, le samedi, ça finit vers minuit et demi. Mmh. Hein, et le dimanche, on a décidé d'arrêter plus tôt. Hein, les gens travaillent le lendemain. Ouais. Normalement, ça s'arrêterait vers 22h15. D'accord, très bien. Très bien. De toute façon, il y a un petit peu moins de groupes que les autres années. On a 16 groupes en tout. Oui. Hein, bon, l'an dernier, on avait 18. Ouais. Effectivement, vu qu'il n'y a plus l'alternance entre la petite scène et la grande scène, forcément, on a 9 groupes le samedi et 7 groupes le dimanche. Et entre les groupes, il n'y aura pas de musique, quoi. Les gens pourront aller se promener dans les espaces merch. Aller au bar ou manger un morceau. Ou aux séances dédicaces. Voilà. Ça nous reposera un petit peu les oreilles. Hein, ou aux séances dédicaces, parce qu'il y a toujours des séances dédicaces qui sont prévues, je suppose. Voilà, il y a des séances de dédicaces. Bon, ça, il faut qu'on voit avec les groupes. Mais oui, les groupes viennent à leur stand, au stand de merch dédié. Signer leurs albums. Hein. Bon, très bien. On va rappeler Ils viennent avec du matériel, parce que malheureusement, on a la surprise tous les ans des groupes qui arrivent sans aucun matériel à vendre. Bon, ça nous est déjà arrivé plusieurs fois. C'est vrai que ça, c'est un peu dommage. Oui. Y aura des nouveaux t-shirts, je suppose, du merch spécial Remfest. Nouveaux t-shirts, nouveaux gobelets, nouveaux programmes qu'on est en train de préparer tout ça actuellement. Alors parle-nous maintenant de l'entrée, si on vient que le samedi ou que le dimanche, ou les deux. Alors l'entrée, c'est 27€ la journée, en pré-vente. En pré-vente, en commandant ou en allant aller chercher à la médiathèque de Rennes. D'accord. Donc celle-là, c'est les billets collector, hein, c'est les beaux billets cartonnés couleur. Mmh. 27€ par jour. Ou 48€ les deux jours. Très bien. Ouais, il reste un prix quand même assez modique, on va dire, pour 27€ pour une journée. Bon, c'est le prix qu'on va payer à n'importe quel concert. Pour deux groupes. On va voir deux groupes, quoi. C'est ça. Est-ce qu'il y a toujours le camping et à quel tarif ? Voilà, le camping, là, d'autant plus que on a donc samedi, dimanche complet. On a même des gens qui vont arriver du vendredi. Donc, et des gens qui vont rester là jusqu'au lundi matin. Mmh. Donc le camping, c'est 3€ par personne. Oh, c'est une somme modique. Voilà, avec le petit déjeuner, qui est proposé, si je me souviens bien, à 3€ ou 3,50 le dimanche matin. Ouais, en tout cas, le petit déjeuner du Remfest, nous, on l'a testé et je peux vous dire que c'est top. Hein. C'est bien servi. C'est bien servi et puis surtout, ouais. C'est très, très, très convivial parce que voilà. vous êtes avec, parfois, vous pouvez même croiser des musiciens, ça c'est vraiment exceptionnel. Vous pouvez discuter avec les organisateurs, avec les gars du merch également, autre que de faire des achats. Vous pouvez discuter autour d'une bonne baguette avec de la confiture et un bon café, et franchement, ça n'a pas de prix parce que c'est vraiment très convivial, comme l'est d'ailleurs le festival du Remfest, qui est toujours l'un des rendez-vous si vous voulez terminer votre été, terminer vos vacances avec de la joie et de la bonne humeur et de la bonne musique, eh ben, allez au Rumfest. En plus, il y a plein de nouvelles découvertes, parce que chaque année, il y a les gens qu'on connaît, il y a les groupes classiques, les groupes reconnus, et puis, bah, comme cette année, il y a des groupes un peu moins connus, et donc vous allez pouvoir les découvrir au Rumfest. Alors ne ratez aucun groupe, parce qu'il y a toujours des très très bonnes surprises lorsque vous vous déplacez. Moi je pense à des groupes comme Black River Sons. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, bah, Black River Sons, c'est un groupe de la région, hein, du Nord, qui joue du rock, bon, on va dire rock sudiste. Avec des musiciens qui ont bourlingué déjà dans pas mal de groupes, hein, un petit peu dans tous les styles. Bon, on a quand même à l'affiche six groupes de la région Nord-Pas-de-Calais. Hein. Oui, donc ça c'est bien de faire jouer les groupes de la région, ça c'est vraiment bien. Parle-nous d'un groupe. Sur des groupes d'un très bon niveau, hein. C'est pas des groupes de seconde zone, voilà. Alors, dès le début du festival, on aura droit à des prestations. Moi, je les ai vus plusieurs fois sur scène, ces groupes-là. De toute façon, on avait organisé avec une asso du Pas-de-Calais, Ch'ti Rock, un tremplin pour sélectionner justement les groupes qui joueraient au Rumfest cette année. Mmh. Alors, on sait ce que ça vaut sur scène. J'ai vu également qu'il y avait mon ami Yann Armellino qui viendrait avec El Bucho, donc ça c'est vraiment excellent. Et il y a également Aymeric Silver, donc beaucoup de guitaristes de Shredder un petit peu. Ah ouais, alors là on a une sacrée brochette de virtuoses français, hein, avec Aymeric Silver, Yann Armellino, sans oublier Hassan Hajdi, guitariste de Ange, oui, avec son groupe Band of Gypsies, donc là c'est un tribute à Jimi Hendrix. Et bon, pour c'est fabuleux, quoi, pour les avoir vus sur scène il y a quelques mois, c'est vraiment exceptionnel, hein. Mike Silver, Yann Armellino, c'est pareil. Donc c'est vrai, c'est rare qu'on ait plusieurs guitares. On avait eu Patomé il y a 2 ans. Oui. Mais c'était le seul sur l'affiche, tandis que là, bon, on en a trois. Voilà, trois pour. Pour le prix d'un. Pour le prix d'un. et puis voilà, avec du très haut niveau scénique et du très haut niveau discographique aussi, hein. C'est vraiment voilà, c'est effectivement des manchots, quoi, hein. C'est pas des manchots, et les compos au niveau d'Aymeric Silver ou Yann Armellino, ça vole très très haut, hein, quand même. Ouais, nous on les connaît bien dans le Rock for Show puisqu'on les passe régulièrement. En plus, le nouvel album de Yann Armellino est vraiment excellent avec El Bucho, ouais, ça a redonné un petit plus. Très bon, hein. Donc voilà. C'est vrai que, bon, dans un style différent de ce qu'il a fait avant, mais voilà, au niveau du chant, El Bucho, bon, voilà, on connaît, hein. Ils étaient passés aussi au Rumfest avec Wacha, non? Voilà, il était passé avec Wacha, il y a un moment, hein, il y a plus de 10 ans. Hein. Oui, c'est ça. C'est ça. Ouais, ça date. On va parler maintenant un petit peu de la programmation qu'on a décidé de passer ce soir. Donc on s'est arrêté parce qu'on pouvait pas tout passer. Donc on va passer dans les prochains titres qui vont arriver. Il va y avoir D.A.D. qui est l'ancien Disneyland After Dark, hein, puisqu'ils ont plus le droit d'utiliser Disneyland After Dark puisque la firme Disney leur a fait un procès. Mais sachez quand même que leur dernier album, qui date quand même de 2015 maintenant, 2011, leur dernier album. 2011, ça fait 6 ans et ça commence à dater. Hein. Et ouais. D'ailleurs, ils reprennent en phonétique Disneyland After Dark, mais ils le reprennent en... c'est vraiment de la phonétique quand vous lisez le titre de l'album. Donc ça, c'était un clin d'œil assez drôle. Et on a choisi le titre A New Age... Moving In, un excellent titre tiré de cet album qui est sorti donc en 2011 chez EMI Records. Ils nous viennent du Danemark, bien entendu, et de Copenhague exactement. Ils se sont formés en 1984 et ils nous font du magnifique hard rock. On enchaînera ensuite avec Tiger of Pantang, puisqu'on parle des grosses têtes d'affiche, et bien c'est les voilà. Tiger of Pantang tiré de leur dernier album aussi qui s'appelle Tiger of Pantang, et le titre que je vous ai choisi ce soir s'appelle Glad Rags, qui est tiré donc de cet album sorti en 2016 chez Mighty Music. Le groupe est anglais et il s'est formé en 1979. Ils appartiennent à la New Wave of British Heavy Metal, la célèbre New Wave of British Heavy Metal. On enchaînera ensuite avec Vandenplace. Vandenplace tiré de leur tout dernier album live cette fois-ci, qui est sorti chez Frontiers depuis au mois de mai, le 12 mai exactement. Groupe de prog de Kaiserslautern en Allemagne. Le groupe s'est formé en 1985 et ils nous font du prog metal. Le prog metal, c'était vraiment la marque de fabrique un petit peu du Rammfest. Est-ce que je trouve que ça s'est un petit peu édulcoré et que maintenant on a beaucoup plus de genres différents? Genre différent, je ne sais pas. Bon, c'est vrai qu'on passait il y a une bonne dizaine de 10-12 ans, c'était, il y avait pas mal de groupes metal prog, ouais, en effet. Là j'étais parti moi sur Aiken cette année, hein, mm-hmm. donc prog metal mais plus récent. Hein. Bon, malheureusement ça n'a pas pu se faire. On va dire que l'affiche elle est plus orientée quand même hard rock, hein, depuis quelques années, hard rock un peu heavy metal, mais. C'est vrai qu'il y a moins de metal prog. On a eu des groupes prog comme Pendragon, un pur prog. Oui. Mais c'est vrai que l'année dernière, on a eu Mirat qui donnait un peu dans le metal prog aussi. Mais bon, c'est vrai que c'est pas la majorité de l'affiche, loin de là. Très bien. Philippe, on va également faire gagner des places pour le Rammfest. Alors, c'est la 19e édition du festival, mais le festival n'a pas commencé il y a seulement 19 ans. Voilà, c'est le piège. C'est le piège. Donc, il faut nous donner l'année de la toute première édition du Rammfest. Et pour cela, vous nous appelez au 06 81 01 28 34. Enfin, vous ne nous appelez pas, nous envoyez un SMS avec l'année de création du Rammfest. Et vous pourrez gagner un pass pour aller pendant 2 jours, hein, parce qu'ils sont généreux au Rammfest, un pass pour aller voir le Rammfest pendant 2 jours. Donc le samedi et le dimanche, c'est le 9 et le 10 septembre. Tu peux rappeler le prix du camping au passage en même temps? 3 euros le camping. 3 euros, avec le petit déjeuner aux alentours de 3 euros également. Et vous pouvez y aller dès le vendredi au camping. Philippe, je te souhaite une très très bonne édition du Rammfest. Cette année, on ne pourra pas être là, puisqu'on a des obligations. Mais franchement, quand on voit l'affiche, c'est que des groupes qui sont vraiment dans la couleur musicale et dans la culture du Rock for Show. Et ça nous fait bien mal au cœur de ne pas pouvoir être là. Mais on se rattrapera certainement l'année prochaine pour les 20 ans. J'espère bien. Hein, pour les 20 ans, on sera là. En tout cas, on vous envoie des auditeurs et on vous souhaite une vraiment très, très, très, très belle édition du Rammfest numéro 19. Merci à toi. Merci à toi, Philippe. À très bientôt. Bye bye. À bientôt. On enchaîne tout de suite avec D.A.D., mon cher Tom. C'est parti. High school dance. them all, put your glide rags on, show them all. Yeah, yeah, yeah. You got all day to think about what you're gonna do when the day job's over. Can't wait, gotta get out. Give me those high kicks over and over. Street life, out that cooking, show them what you got. High heels strutting, dreaming, dream machine. Show them all, put your glad rags on. Show them all. Let me see your hands. We need you all, Atlanta. Come on! We'll be right back. retour dans le studio du Rock for Show avec Tom et Phil pour vous servir. Lorsque vous êtes sur la plage, on ne vous passera pas la crème à bronzer. Mais Tom a deux mots à vous dire. Allez, vas-y. J'ai deux mots. Ouais, qu'est-ce qu'on écoute là? Ah, qu'est-ce qu'on écoute? Je croyais que tu voulais revenir sur autre chose. Qu'est-ce qu'on écoute? On écoute un excellent groupe qui s'appelle Black River Sons. Voilà. Exactement. Ils sont au Rhinefest. Yes. Hein, Philippe vient de vous en parler il n'y a pas très longtemps. C'est un groupe du cru. Et non pas, hein, non, c'est un groupe du cru. Donc du nord de la France. Ils y seront le samedi. Ils seront le samedi ? Oui. Ouais. Bah tiens, justement, oui, puisque tu es sur les Rolling Order et tout ça, est-ce que tu peux nous donner les groupes du samedi, s'il te plaît ? Oui, parce que si tu me demandes les horaires, là, je ne les ai non, pas. Non, pas les horaires, mais les groupes du samedi. Allez, c'est parti. Le samedi, il y a tête d'affiche, non, à Dad, qu'on a écouté tout à l'heure. D.I.D. Oui, voilà. Van Place, que vous avez écouté aussi. Diddlehorn. Band of Gypsy. Gypsy, hein, oui, voilà. C'est avec un membre de Magma. Et ils font un tribute à Jimi Hendrix. FSM, c'est comme ça qu'on dit Je sais pas, j'ai pas les noms sous les yeux. D'accord. Jester Smoke Break. Ouais, ça c'est pas mal. Head Blaster et Black River Sound. Voilà, donc ça, on tombe sur des groupes du Nord, là, pour les derniers dont on vient de vous parler. On vous parlera de l'affiche du samedi tout à l'heure. Du dimanche, puisque ça c'était l'affiche du samedi. Avant, si j'ai bien compris, avant c'était vendredi, samedi, maintenant c'est samedi, dimanche. C'est ça, cette année. Mais en fait, au tout début c'était samedi, dimanche, et depuis 5 ans c'était passé à vendredi, samedi, ou 3 ans, ou 4 ans, je sais plus. Et donc, nous le vendredi c'était un peu compliqué pour y aller parce qu'on quittait le boulot. De Paris, ça fait combien? Le dernier train, il est à quelle heure? Non, c'est à peu près 200 bornes de Paris, hein, donc c'est pas très loin, c'est à 2 heures de Paris. Ça va. C'est vraiment pas très très loin, et surtout c'est très très très convivial. Bon allez, pour vous remémorer, on a passé D.A.D., on a passé Tiger of Pantang, qui eux seront le dimanche, donc Tiger of Pantang, et on a passé Vanden Place, que l'on vient d'écouter juste à l'instant. Yes, et on avait passé aussi UFO, qui sera à la tête d'affiche du dimanche, on l'a passé tout à l'heure. Tout à l'heure, en tout début. On va passer maintenant à la suite du programme du Rhemfest numéro 19. On vous rappelle la question, en quelle année a été créé le Rhemfest? '06, '81, '01, '28, '34. Et là, vous raflez un pass deux jours, hein, c'est-à-dire à 47 euros. Ouais. Hein. Nous allons partir avec Wolf. 55 euros, pass de 55 jour. Euros, le pass de sur place, sur place. Hein, Sur place, d'accord. Donc là, vous l'aurez gratos si vous répondez à la question « Quelle est la date de création du Rhemfest ?» nous allons continuer avec Wolf Spirit qui nous dessert un super rock avec une chanteuse, je crois, ouais, ça doit être chant féminin. Le groupe s'est formé en 2010. J'ai beaucoup apprécié, c'est un quintet de métal. Ils nous viennent d'Allemagne et leur album s'appelle, le tout dernier album s'appelle Blue Eyes. C'est sorti le 24 février 2017 chez qui ? Spirit Stone Records. Le titre que je vous propose de découvrir ce soir, mon cher Tom, je te laisse le soin de le dire. I want to love. ça m'étonne pas de toi, ça. Non, I don't want to love you. J'espère bien quand même. Mais tu dois dire. nous enchaînerons ensuite avec Dead Lord. Je te laisse en parler, peut-être. Tu me laisses parler de Dead Lord, ouais, avec oui, leur album, ouais, je vois, voilà. In Ignorance, We Trust, c'est le nom de l'album. We Run, c'est le nom du titre qu'on va entendre. Ils sont sortis chez Suntory Media. Ça va sortir parce que ce sera le 25 août, donc après les vacances. Mettez l'argent de côté, hein, commencez. Ouais, parce que là, il y a pas mal de choses hein, ouais, qui vont sortir en août. Et ils nous viennent de la Suède, voilà, c'est du hard rock formé en 2012. Ouais, ils nous viennent de Stockholm, exactement. Et donc à Stockholm, et ben, je salue Brigitte, puisqu'elle habite à Stockholm. Ben voilà, ça me permet de la saluer. C'est Brigitte. C'est une Française. Ah, c'est une Française, donc oui. C'est Brigitte. Nous continuons avec nos amis, hein, qu'on a été voir à la Boule Noire. Et qui sont passés au PMFF. Ils sont passés au PMFF. On va dire que c'est un peu grâce à toi qui... Peut-être. Je sais pas. Ils ont sorti. C'est surtout grâce à eux parce qu'ils ont sorti un magnifique album. Chez Nota Bene, tout à fait. L'année dernière, c'était leur premier album. Il s'appelle Better Way. Le titre qu'on va écouter, c'est Selfish Go. Et on vous parle de Yann Armalino et El Bocho. Ouais, parce que franchement... Ils seront au Rhemfest le dimanche. Dimanche. Ouais, dimanche. Et qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Bah, c'est vraiment le groupe travaille actuellement sur un nouvel album, donc déjà, hein, déjà, puisque cet album date de 2016, mais fin 2016, hein, c'était octobre ou novembre 2016. Je me demande si même il est pas déjà prêt. Ah, c'est possible qu'il soit déjà prêt, puisque Butcho nous en avait parlé au concert. Oui, je crois qu'il a dit qu'il était prêt. Ben prêt ou presque. Enfin, faut qu'il le mette en boîte. Voilà, mais que de toute façon, il faut de toute, enfin, faire vivre celui-ci, hein, Better Way. Et bah, vous pourrez aller voir donc la formation au Rhemfest, parce que franchement, c'est vraiment un très très très bon groupe. Nous, on vous les recommande. Et pour tous les promoteurs, tous les gens qui cherchent des gens à faire jouer, eh bien, Yann Armellino et El Butcho, c'est de la valeur sûre. On envoie tout de suite la musique, on vous rappelle le numéro de téléphone. 06 81 01 28 34. Et il faut nous donner la date de création du Rhemfest, en sachant qu'ils ont 19 ans cette année. Ah, mais il y a peut-être un piège, attention. Aha. Musique. La blague.

retour dans les studios, vous êtes toujours à l'écoute du Rock for Show. Spécial Rhemfest ce soir. Vous venez donc d'entendre Wolf Spirit qui joueront quand mon cher Tom, les Wolf Spirit au Rhemfest, bien entendu, 19e édition. Ils joueront le dimanche juste après Yann Armenino et avant Tiger of Pentang. D'accord, super. Nous avons écouté également Deadlord. Yes. Tu veux raconter ce que je veux dire? Ouais, si on peut. Deadlord, ils joueront le samedi. Très bien. Et donc, Yann Armelino, comme vient de vous parler Tom, avec El Butcho. Ce que vous entendez en fond sonore, le groupe s'appelle X. Alors, H-I-C-K-S, hein, pour X. Ils nous viennent d'Arras, du Pas-de-Calais, et ils viennent de sortir un EP, ou ils vont sortir un EP, je ne sais pas exactement. Ils joueront le dimanche en début de festival. Super. Voilà, donc vous savez à peu près tout hein, sur le Rhemfest, et on va encore en parler, puisque nous allons vous parler de Aymeric Silver, guitariste émérite, qui jouera également au Rhemfest. Il jouera quand, lui? Alors, tout le monde. Aymeric Silver. Aymeric Silver. Voilà, le samedi. Le samedi. Donc nous on a choisi un titre qui date d'un petit peu, qui doit être un peu vieux maintenant, qui s'appelle Mistake. Bon, moi j'avais bien aimé ce titre là, mais sachez qu'il a sorti un nouvel album et que vous pourrez le découvrir au Rhemfest si vous ne le connaissez pas encore. En tout cas c'est excellent. Nous enchaînerons ensuite avec Abigail, tiré de leur je crois que c'est le dernier album, qui s'appelle Electric Lady, et le titre que je vous propose de découvrir s'appelle Dying Petal. Et ils nous viennent du Nord. Et l'album est sorti en autoprod en mars 2017. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire? Ils font du rock, du big rock, hein, du big rock. Et voilà, et tout à l'heure, en reprenant, on vous parlera des prochains concerts que vous pourrez voir sur Paris, hein, mon cher. Non, on peut même en parler maintenant, si tu veux. On peut en parler maintenant? Ouais. Alors, vas-y. On va parler de ce qu'il y a ce week-end. C'est pas demain, Paris. Demain, c'est pas Paris. Le 7. Oui, demain, le 7. Tout le monde a entendu parler, on en a parlé tout à l'heure. Ce sera Guns N' Roses. Voilà, et puis je crois qu'il y a un autre concert aussi. Mais je ne l'ai pas. Ah d'accord. Donc parle du 8 alors. Le 8, on va au Silus Fest. J'ai bien dit, on y va, donc venez avec nous si vous voulez. Et c'est à Autun dans le 71, au-dessus de Lyon. Voilà. Exact. C'est en Bourgogne, exactement. Ouais, donc il y aura ADX, Black Rain, Carglass, Death. Carcarias, pas carcasse, n'importe quoi. Carcarias, il a mis Carglass. Carcarias, excellentissime groupe. Carcarias, Death Decline, Dying Fly, Manigance, Metal, Kurt Neurwitten, Sang, Dragon, Undead, Prophecies et Wild. Voilà. Et ça commence à midi 13h. Ouais, c'est midi ouverture des portes, 13h, le festival. Si vous voulez pas aller là-bas, eh bien vous avez également le vendredi 7, hein, vous allez pouvoir aller voir The Magpie Salute. On vous rappelle, hein, c'est avec trois anciens membres de The Black Crowns qu'on vous a passé la semaine dernière et la semaine d'avant. C'est à Paris, à la Maroquinerie. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Après, on va mardi prochain, il y a ZZ Top, oui. Ce sera à Paris. Voilà. Exactement. Et le 13, le jour de l'émission. Oui, hein. Et de la release party, enfin de la release party, de la pré-partie du Motocultor, où vous retrouverez notamment nos amis de MF Crew. Ce sera au Dr. Feelgood. Dr. Feelgood H.O. Hall à Paris. Ouais, c'est 37 rue Quincampoix. Voilà, juste à côté du centre Georges Pompidou pour ceux qui veulent se repérer facilement. Et sinon, le 13, il y aura Nemos, Monolight, Serenius et Verven. Ils seront à Paris. Mais ça, on vous en reparle tout à l'heure. Puisqu'on va vous diffuser du Nemos. Mon cher Tom. Oui. Oui. Allez, envoie-moi la musique 06 81 01 28 34 si vous voulez rafler des places pour le Rhemfest et des passes deux jours hein, pour le samedi et le dimanche. On vous fait un cadeau pour cet été. Vous nous envoyez un petit texto au 06 81 01 28 34 en nous donnant la date de création du Rhemfest en sachant que cette année ils fêtent leurs 19 ans. Mais il y a peut-être un piège. Musique. And I miss you, and I need you, and I'll keep you. C'est Nemos. Nemos. Alors maintenant, Tom, tu peux parler de Nemos si tu veux pour annoncer le concert qui aura lieu, jeudi prochain. Jeudi prochain. Ouais. Jeudi prochain. Voilà. J'ai pas le. T'as des coupures de micro. Ouais. Voilà. J'ai pas le. Touche-toi le câble. Vas-y. Je dis rien à personne. Les auditeurs, ils regardent pas. Non. Le câble. Je ne suis pas comme ça, Phil. Donc jeudi prochain, donc Nemos avec avec plein d'autres groupes. Oui, mais je les ai annoncés tout à l'heure. Ouais, mais réannonce-les. Ah, je suis pas prêt. Parce que c'est maintenant. Ah bah ouais, mais non. Ah, mais Tom. toi, tu dis ça quand... Ah bah ouais, mais non, Tom. Non, mais c'est pas grave. Hein. Le groupe, je vais meubler, a sorti son album chez Metalian Edition en 2013. C'était leur premier album, je crois, je sais plus. Non, c'était leur deuxième album. Il contenait 9 titres. Enfin, il contient toujours 9 titres. Hein. C'est un groupe de Paris. Et ils seront donc en concert, mon cher Tom, si tu as retrouvé ta date, c'est bon ? Le 13, à oui, Paris ? Oui, le 13, je n'ai pas le lieu, mais il sera avec Monolith, Serenius et Verveine. Verveine, ça, super. C'est du prog Doom Death, foutu. Wyvern, parce que c'est Wyvern. Ouais. Et ils se sont formés en 2005. Voilà, excellent groupe, hein, Nemos, hein, franchement, si vous pouvez les voir, voilà, très très bon. Nous allons continuer en musique. Ou il y a d'autres choses à annoncer, qu'est-ce qu'on fait? Parce que là on est large. On a du temps. On est large. Très large. Enfin surtout toi, hein. Malgré que tu aies maigri, t'es quand même large, hein, quand même, hein. Ouais. Non, non, non, pas tant que ça, non, ça va. Bon, on va rappeler un petit peu ce que vous allez pouvoir gagner. Des places pour le Rumfest, hein. Il faut nous donner la date de création du Rumfest. Pour les deux jours, hein. Ouais, vous gagnez un pass deux jours. C'est un pass deux jours, donc vous avez juste le transport pour aller là-bas. Ouais, et puis le transping si vous voulez. Oui, et puis même, j'ai envie de dire, si vous êtes belge, vous n'êtes pas loin. Il y a des frites à manger juste à côté. Non, puis c'est pas loin, donc si vous voulez y aller et ne pas payer, vous pouvez essayer de gagner. Il faut juste trouver la bonne technique, comment envoyer un SMS à Phil. Voilà, 06 81. Non, ça c'est le numéro français. 06 81 01 28 34. Voilà. Complètement. Il faut juste mettre 33 00 33. Plus 33. 00, ouais, ou 00, ouais, exact. Quoi d'autre? La semaine prochaine, tiens, on va parler du programme de la semaine prochaine. Ça te dit? La semaine prochaine, on fait une émission spéciale festival aussi, puisque ce sera le Faire-toi. Ah, c'est le Faire-toi la semaine prochaine. Faire-toi Fest in Rock Fest. Et ça, c'est le premier du nom. Donc on espère que ça va être bien. Et on aura en interview les deux organisateurs. Ah, cool. C'est cool, ça. C'est cool, c'est très cool. Johan et Silver. Ok, cool. Ça va. Enfin, j'espère que ça sera bien. Oui, parce qu'ils vont venir en plus ici, là, dans les studios, avec le flyer, le t-shirt, enfin, tout plein de trucs, quoi. Ah, d'accord. Tu vois. Donc ils vont nous parler de comment ça s'est organisé. Ça va être cool. Je vais pouvoir me retrouver avec un t-shirt. Peut-être, éventuellement. Ça va être voir. Cool. Ah, en avant-première, on aura peut-être le t-shirt. Ah, peut-être, on ne sait pas. Restez à l'écoute pour savoir. Voilà. Et il y aura également des places pour le Faire-toi Rockin' Fest à gagner la semaine prochaine. Ça, c'est bien ça. Hein, et le Faire-toi Rockin' Fest, ça se trouve à la Ferté-sous-Jouarre dans le 77. Ouais. Ah. Oula. Donc n'hésitez pas à gagner vos places la semaine prochaine. Bon, on va parler, puis on reparlera un petit peu de ce qu'on fera cet été, hein, puisque on va partir en vacances aussi, nous. Donc on va vous parler des prochains groupes qu'on va vous diffuser. Là, c'est des petites nouveautés, c'est des choses qu'on a reçues cette semaine et que les gens nous ont envoyées. Alors on leur a dit, on va vous passer dans l'émission qui arrive. Et on va commencer avec Trinity Blast. Alors eux, c'est un peu spécial. C'est les Canadiens de Montréal. Mais ils sortent titre après titre. C'est-à-dire qu'ils sortent pas un album comme ça ou un EP, tout ça. Non, ils sortent titre après titre. Alors c'est assez bizarre. Et donc ils m'envoient des titres comme ça régulièrement. Et là, le titre s'appelle Imminence. Alors est-ce que ça veut dire que l'album va sortir imminemment? Je ne sais pas. Hein. En tout cas, ça s'appelle Imminence. C'est tiré de leur dernière démo. Démo, un titre. Autoprod, bien évidemment, qui est sorti le 25 juin, donc c'est tout récent. Enregistré à Montréal, c'est un quartet formé en 2014. Oui, juste un truc, Phil. Oui. Je crois qu'on va pouvoir passer à autre chose que celui-là, parce qu'il y a un petit souci sur le titre. Ah, oui. Bon, on le passera peut-être en fin d'émission. Oui, oui, il va juste falloir que tu règles la chose en me le donnant. D'accord. Voilà, tout simplement. Ok, ok, ok. Ben, tiens. Voilà. Ah, d'accord. On va essayer de régler ça. Directement. Je te laisse meubler en deux minutes. Ouais, vas-y, vas-y. Directement, tu vas chercher, bien entendu, dans MP3. Voilà, ok. Donc, c'est un quartet. Les quoi, je ne me rappelle même plus maintenant. Trinity Blast, vraiment excellent. Moi, j'ai vraiment adoré. J'ai craqué sur le titre, mais pas seulement celui-là. Puisque le précédent, on l'avait passé aussi dans le Rock for Show. C'était l'année dernière, en 2016. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire? Ah oui, Kevin Talley, le batteur de Suffocation, joue sur le titre qu'on va vous passer ce soir. De Suffocation, enfin ex-batteur de Suffocation et Dying Fetus, joue sur ce titre qu'on va vous passer. Donc ça quand même un petit plus. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Après, on passera à Schoolyard, ceux de la région parisienne, qui nous sortent un nouvel album au mois de septembre. Hein, donc, pour l'instant, on n'a qu'un seul titre, ça s'appelle From 29 to 44. Et c'est une autoproduction également. Et l'album s'appellera Comrade 2.0. Et voilà, le groupe s'est formé en 2009. Et enfin, si vous êtes sage, on reviendra vous parler du dernier titre qu'on vous passera, qui sont aussi des Canadiens, hein, si mes souvenirs sont bons, mais je crois que oui. Donc mon cher Tom, est-ce que c'est bon pour toi pour passer le titre de Trinity Blast? Ouais, merci. Blind, just look to the sea. Dans les studios pour la fin du Rockford Show du 6 juillet. Hein, vous allez pouvoir aller retourner bronzer, quoi, qu'à ce temps-là. Ouais, tu, quand même. Hein. Si, au Québec. Au Québec, ouais. Voilà, au Québec, vous allez pouvoir aller bronzer après avoir écouté de la bonne musique. On a donc écouté Trinity Blast, les Canadiens. C'était vraiment... Enfin, je sais pas ce que vous en avez pensé, mais moi, j'ai vraiment craqué sur Trinity Blast. Et là, nous venons d'entendre Schoolyards, qui sortira donc son album au mois de septembre. Ce que vous entendez en fond sonore, le groupe s'appelle 13 Digits. Digits. Et ils seront, eux, au Fertois Rockin' Fest, premier, le 16 premier septembre. Du nom. Premier du nom, ouais. Ce sera le 16 septembre. Et l'émission spéciale Fertois, c'est la semaine 17, prochaine. 16-17 ou 15-17 16-17. 16-17. Ouais, 16-17. Mais eux, ils joueront le 16. Et voilà. Vous aurez toutes les infos, je pense, la semaine prochaine. Ils nous parleront du camping, des trucs comme ça. Hein, je pense, on parlera. Il y a un truc comme ça, il y a un camping sur place, je crois. Oui. Bah oui, puisqu'il y a deux jours, donc effectivement, il y a un camping. Il y en a qui ont fait deux jours cet hiver, ils n'avaient pas de camping. Hein. Ouais, mais c'est pas grave. Nous allons vous quitter avec d'autres Canadiens. Ils s'appellent Last Bullet, la dernière balle. Ça tombait bien, hein, pour finir cette émission. C'est une autoproduction. Tu m'as tué. qui est sorti, donc qui va sortir le 14 juillet. Ça va être un véritable feu d'artifice, hein, n'est-ce pas? Et le groupe s'est formé en 2009. Ils nous viennent de Toronto, voilà. Le titre que l'on va diffuser, par contre, je l'ai pas, mon cher Tom. Est-ce que tu peux me dire de quel titre il s'agit? De Last Bullet. Little Mist Fitty. Merci bien, merci, monsieur. Parce que c'était. Et puis, pour terminer, on vous rediffusera 13 Digits, puisque on est en train de l'écouter en fond sonore, ça vous permettra de le découvrir en entier, mon cher Tom, n'est-ce yes, pas? Yes, yes, yes. À la semaine prochaine, même lieu, même heure. Ouais, même lieu, même heure, même endroit. Ouais. Et puis voilà, avec l'équipe. Avec des invités différents. Ouais, avec l'équipe du Fertoire Rockin' Fest. Ouais, très bien. Alors, c'était Rock. C'était fort. C'était chaud, c'était le Rock Four Show. À la semaine prochaine. Bye bye, restez métal. How many guys of those hypocrite lips kissed? How many lies have you told with those eyes? Takes you for the ride of your life. won't believe.